Avant d'entreprendre un dépassement, il faut prendre en compte la signalisation. Ici, le marquage et les flèches de rabattement concernent les usagers qui viennent en face. La visibilité, elle est excellente dans cette descente, donc le dépassement est possible. Mais il ne faut pas oublier des indices particuliers. Ce poids lourd est stationné, mais il a allumé son clignotant gauche. Va-t-il démarrer tout de suite ou a-t-il compris que je voulais entamer un dépassement? Dans le doute, je m'abstiens, parce que c'est dangereux. Réponse B et C.